Le 31e campement a commencé à la colonie de vacances internationale de Sandowon. La cérémonie a eu lieu le 26 en présence des cadres intéressés et des enfants coréens, russes, nigériens, laotiens, somaliens, vietnamiens, tanzaniens et des enfants compatriotes d'outre-mer. Les vacanciers ont fleuri les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il dans l'enceinte de la colonie de vacances et rendu leur hommage.